بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue dans notre lecture du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen, شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. C'est-à-dire la عقيدة des gens de la Sunna et de la Jama'a, des gens qui se sont réunis sur la vérité et qui suivent la sunna et qui s'accrochent à la aqida. Donc on est rendu dans le chapitre numéro 4 dans le livre, et c'est le chapitre au sujet des messagers, la foi en les messagers. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et naam, donc c'est ça, on est rendu à la partie dans le livre. Aujourd'hui c'est le cours 75. Et le Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen, il dit: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc la traduction, dans la traduction de Dar al-Salam, il dit: nous croyons que la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam englobe ou réunit toutes les vertus des charia, c'est-à-dire des lois et des législations des messagers mentionnés précédemment, tout particulièrement pour leur mérite, conformément aux paroles dans le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Ash-Shura, verset 13, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il a établi pour vous en matière de religion ce qu'il avait prescrit à Nuh alayhi salam, ce que nous t'avons révélé à toi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avions prescrit à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Et c'est-à-dire, yani aqimud din wa la tatafarraqu fihi, c'est-à-dire établissez la religion, hein, et ne vous divisez pas à son sujet. C'est ça la signification. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen maintenant il explique ce passage là et puis il dit al jawab. Non, ça c'était par rapport à la question précédente, mais après il dit qawluhu wa na'taqidu, donc il lit le passage. Puis il dit حاوية, نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل وحاوية يعني جامعة. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع فضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة، ودليل ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية. نعم، والذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء الأربعة مع نبينا صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم. والقاعدة القاعدة الأصيلة في هذا قال: أن أقيموا الدين، وهذا فيما بين العبد وربه، وهو إصلاح للفرد، ولا تتفرقوا فيه، وهذا فيما بين العبد وبين إخوانه، يعني ولا تتفرقوا فيه وهو إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وما بين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni dans la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tous les mérites qui étaient compris dans les messages précédents, dans les messages des messagers et des prophètes précédents. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset, hein, qu'il a légiféré pour vous de la religion ce qu'il avait enjoint également à Nuh, Noé, et ce qu'il a révélé, ce que nous avons révélé à toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Donc tout ce que Allah avait révélé aux messagers précédents, eh bien, c'est compris dans la charia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et ces quatre prophètes, ainsi que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sont les grands messagers qu'on appelle Ulul Azm, hein, ceux qui ont la détermination, les grands messagers qui ont la détermination, qui ont la fermeté dans la religion, plus que les autres. Et il dit que ça, c'est une règle dans la religion. Pardon, Yaqub, je m'excuse de te demander ça, mais si tu pourrais juste éteindre le bukhour, barakallahu fik, sinon ça va sentir trop fort. Donc il dit, وَهَذَا قَالَ, donc c'est pour ça que c'est une règle dans la religion, qu'il faut établir la religion. Et il dit, أَقِيمُدِّينَ, ça veut dire d'établir la religion entre le serviteur et son seigneur. Donc tu te réformes toi-même, ta propre personne, la réforme de l'individu. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, et ne vous divisez pas à son sujet. Ça c'est, yani, par rapport à la réforme, hein, ou bien le fait d'établir la religion, de réformer la société en général, et qu'il y ait une bonne relation entre le serviteur et ses frères. Donc ça comprend en fait la religion en entier, hein, le fait de faire la réforme entre toi-même et ton seigneur, et ensuite la réforme entre les serviteurs eux-mêmes. Il dit wa qawluhu an aqimud din wa hi an ta'bud Allah mukhlishan lahu ad-din ala shari'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'établir la religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu adores Allah en lui vouant un culte pur, en l'adorant lui seul, de façon exclusive et selon la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas selon des innovations ou des bid'ah, hein. Et il dit wa qawluhu wa la tatafarraqu fihi, yani wa la takunu firqan kullu firqatin تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها. ولهذا نرى أن التحزب ونرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق، لأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا، وأن هذه تعني قتل الإسلام، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. Donc le cheikh il dit, hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit après d'établir la religion et de ne pas vous diviser à son sujet, et le cheikh il dit c'est-à-dire que vous ne devez pas devenir des groupes et des sectes, chaque secte qui déclare l'autre secte égarée et qui la déclare innovateur ou innovatrice et qui yani, la critique ou la condamne. Donc ça c'est qu'est-ce qui est blâmable et qu'est-ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que c'est ça, il faut pas oublier que c'est une chose qui a été prédestinée par Allah. C'est quelque chose qui est, hein, qui est kauni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné la division. Et c'est quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a même prophétisé. C'est-à-dire qu'il nous a annoncé déjà à l'avance qu'il y allait avoir de la division. N'empêche que c'est quelque chose d'interdit. C'est pas parce que il nous a prévenu que quelque chose allait se produire dans l'avenir que ça veut dire que c'est permis de le faire ou que c'est quelque chose qui est justifié. D'accord? Il faut juste comprendre que c'est quelque chose qui est blâmable, quelque chose qui est détestable, quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent, il faut tout faire pour essayer de s'en écarter et pour essayer de rester unis, hein, parce que l'ordre d'Allah, hein, est clair à ce sujet-là. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hein, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ça, c'est un ordre clair à ce sujet-là. Et dans ce verset, وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, ne vous divisez pas à son sujet. Et le cheikh, il explique que le fait de se diviser en parties, hein, et de créer des partis, que ce soit des partis politiques ou des partis religieux, ça fait partie de ce qui crée de la division. Et ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit également. Donc ça c'est une interdiction claire de ce que les gens appellent aujourd'hui démocratie. Parce que dans la démocratie, il y a justement les différents partis, et que chaque parti appelle les gens à voter pour ce parti-là et à diviser les gens par rapport à ces partis. Alors que les musulmans doivent être unis en un seul parti. Tous les croyants sont un seul parti. Tous les croyants doivent former un seul parti et non pas se diviser. Et si on n'a pas le droit de se diviser en secte, on n'a pas le droit de se diviser en groupe, on n'a pas le droit de se diviser en parti non plus. On doit tous être unis et de s'accrocher tous à la même chose, à la même croyance, au même principe, au même fondement par rapport à la religion. Et ça, c'est l'idéal de qu'est-ce qui est ordonné par l'islam et de qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, il dit « Innahu la yajuzu lil ummat al-islamiyya an tattakhidha ahzaban ». C'est pas permis pour la umma de l'islam d'être divisée en parties. Il dit « Parce que cela signifie de tuer l'islam hein? ». لِأَنَّ هَذِهِ تَعْنِي قَتْلَ الْإِسْلَامِ. D'accord. Donc quand tu vois par exemple si un pays, dans un pays par exemple, tous les habitants de ce pays-là sont des musulmans et tous les habitants de ce pays-là sont unis autour d'un seul dirigeant. Puis après, des gens ramènent une idée comme si il faut installer la démocratie dans ce pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se diviser en groupes, les gens vont se diviser en partis, chacun va avoir un représentant et chacun va faire les campagnes et les compétitions pour voir qui va être élu. Et ça va créer quoi dans la population? Ça crée de la division. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable et qui est interdit. Mais il ne faut pas croire que ça se limite uniquement à ça. Il y a toute forme de division, que ce soit dans les croyances, dans les pratiques religieuses, ou dans, que ce soit dans la politique ou autre, tout ça, c'est blâmable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 46, dans surat Al-Anfal, « Wala tanaza'u », c'est-à-dire « ne vous disputez pas entre vous ». Fatafshalu, ne divergez pas ou ne vous disputez pas entre vous parce que vous allez échouer. Fatafshalu. Wa tadhhabarihukum. Tadhhabarihukum, c'est-à-dire votre force, elle va partir. Vous allez la perdre. Vous allez perdre votre force. Et c'est comme ça que même un slogan qui est bien connu, même pour les non-musulmans, ils disent tout le temps que l'union fait la force. Disent l'union fait la force, hein. Et ça c'est une chose qui est connue et c'est un principe clair dans la religion de l'islam que lorsqu'on est divisé, eh bien on est faible, on devient faible. Et lorsqu'on est uni sur la vérité, eh bien c'est là qu'on reste fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite wasbiru, c'est-à-dire soyez endurants et patients. Certes, Allah est avec les endurants. Et donc, on dit, comme on a dit, le fait de se diviser, ça amène l'échec et ça amène la faiblesse. Et le fait de rester unis, ça nous garde fort et ça nous donne le succès par la permission d'Allah. Et c'est pour ça que les kuffars les savent. Et même entre eux, ils appliquent ce principe-là que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler de l'idée qu'il faut diviser pour régner. Hein? Donc si tu veux avoir le dessus sur un peuple, bien il faut les diviser. Quand tu vas les avoir divisés, eh bien tu vas être capable de gagner contre eux. Et ça c'est une technique même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Al-Ahzab, il l'a utilisé contre les mouchriquins. Hein? Ils étaient tous réunis ensemble. Les mouchriquins de Quraysh et les mouchriquins de Médine et les juifs et plein d'autres différents groupes de différentes régions qui avaient tous des intérêts différents qui se sont tous réunis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé différentes stratégies pour les affaiblir et les diviser, et puis finalement le vent a fait le reste. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des vents forts contre eux et puis ils se sont tous divisés. Se sont tous en allés par la suite. Il y a un des mouchriquins de cette époque-là justement qui était respecté par les différents partis d'entre eux et qui s'est converti à l'islam. Et il est venu voir le messager d'Allah, il a dit « Moi j'accepte l'islam, je veux devenir musulman ». Il a dit « D'accord ». Il a dit, si tu veux, je vais faire quelque chose pour n'importe quoi. Demande-moi ce que tu veux, je vais le faire. Il dit, dans ce cas-là, ne leur dis pas, c'est-à-dire aux mushrikines, que tu es devenu musulman. Mais va les voir et puis mêlez les uns contre les autres. Et c'est ça qu'il a fait. Il est allé les voir et puis il a dit aux juifs, les Quraysh, ils ne vont pas vous supporter. Et les juifs, ils ont dit, oui, mais si Quraysh, ils retournent, nous, on va être pris avec les musulmans par la suite, parce que nous on habite juste à côté, tandis que les mushrikoun eux sont à Mecca. Hein? Donc ils se sont tous séparés et désavoués les uns des autres, et puis ils ont été battus. Une des raisons par lesquelles ils ont été battus, c'est cet exemple-là. Donc c'est un exemple aussi qui montre que c'est une technique, et que le fait d'être unis, c'est sûr qu'il n'y a pas de doute que ça nous renforcer, tandis que lorsqu'on est divisé, eh bien on devient faible. Et donc ça, c'est une leçon. Et après, le cheikh, il dit ولكن لو كان هناك احزاب كافره ملحده سواء كانت تسمى بالاسلام او لا فهنا لا بد ان نقيم حزبا تضامن من باب معالجه الشيء بضده اما اذا لم يكن احزاب فانه لا يجوز ان نتحزب فنقول هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أثري إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن. فهذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعة. ولماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج وكل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء، شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، ونسأل الله العافية. Donc le cheikh, il dit que s'il y a des partis qui sont mécréants et athées dans une région ou dans un endroit, alors dans ce cas-là, peu importe que ces partis athées, comme par exemple dans certains pays, il y a des partis qui sont des partis communistes, des partis socialistes, des partis laïcs, ou qui s'opposent clairement à l'islam. Hein? Donc il dit, peut-être que certains de ces partis-là vont se nommer islamiques ou autres, il y en a d'autres partis qui vont se nommer islamiques ou non, mais il dit, il faut qu'il y ait dans ce cas-là un groupe quelconque qui oppose cette mécréance-là. Hein, et ces idéologies-là, dans le sens que tu dois opposer le faux et combattre le faux par son contraire. Il dit toutefois, s'il n'y a pas de parti, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis pour nous de nous diviser, hein, et de faire des partis entre nous et de dire par la suite, celui-ci c'est des Ikhwani, celui-ci c'est des Tablir, comme le groupe des frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin, le groupe de Jamaat Tablir, ou bien le groupe Islah, il y a un parti dans, je pense c'est au Yémen, ça s'appelle Hizbul Islah. C'est un groupe qui suit la même tendance que les Ikhwan. Ou bien Salafi. Il y a dans certains pays des groupes qui ont créé des partis politiques, ils s'appellent Salafi. Et ils font la compétition avec les Ikhwan. Hein? Et tous ces noms-là, toutes ces divisions-là, il dit dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est présent sur le terrain actuellement, et il n'y a pas de doute que ça c'est contraire à ce que la charia nous a amené. Parce que en islam, on doit tous être unis sur la vérité, s'accrocher tous ensemble sur le point qui est la parole unique. Hein? Et cette parole unique, c'est quoi? Qu'on doit adorer seulement Allah et ne rien associer avec lui, pas faire de shirk, de rien associer avec Allah, et de l'adorer lui seul, et de suivre la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de s'unir là-dessus, sur la méthodologie de nos salafs, la méthodologie des pieux prédécesseurs, oui. Bien sûr, c'est pas juste parce qu'il y a des mushrikines, même parmi les musulmans, il y en a qui ont toutes sortes de méthodologies différentes et de tendances différentes, et dans des situations pareilles, c'est très important pour les musulmans de se distinguer des groupes de bid'ah et des sectes qui ont dévié de la sunna. Donc quand quelqu'un il s'affilie au salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs et les sahaba et ceux qui les ont suivis comme les tabi'in et les tabi'in, on s'affilie à leur voie et à leur méthodologie et on suit leur compréhension de l'islam yani, selon les preuves du Coran et de la sunna, et bien là dans ce cas-là c'est une façon de se distinguer des groupes de bid'a qui sont apparus au cours des siècles. Pourquoi? Parce que à l'époque des sahaba, il n'y avait pas d'autre chose que l'islam et il n'y avait pas d'autre chose que la compréhension des sahaba. Mais avec les siècles qui ont avancé, des gens sont venus et ont innové des choses. Ils ont innové des croyances nouvelles, ils ont innové des pratiques nouvelles qui sont en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Et par conséquent, c'était obligatoire pour les musulmans à partir de ce moment-là de se distinguer d'eux et de les réfuter et de s'affilier à la vérité. Donc, pour cette raison-là, on a vu que chez les ulama de l'islam, ils ont utilisé des appellations pour se distinguer de ces groupes-là. Donc, par exemple, on a trouvé parmi les appellations des ulama, par exemple, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Donc, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ça veut dire les gens qui s'accrochent à la sunna et qui s'unissent autour de leurs dirigeants. Hein, ils se divisent pas. Donc ça, c'est une des caractéristiques des gens de la sunna, parce que une des manifestations de la bid'a, c'est la division. Donc les ulama, ils ont voulu se distinguer des gens de bid'a par justement le fait de s'appeler les gens de la sunna et de l'union ou de l'unité. Et il y a d'autres ulama à d'autres époques qui se sont référés, par exemple, aux gens de la sunna en disant Ahlul Hadith. Les gens qui se réfèrent au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'accrochent au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont utilisé l'expression ou l'appellation Ahlul Athar. Al-Athar, c'est les transmissions, les narrations. Qu'est-ce qui a été rapporté? Donc ça comprend les hadiths et ça comprend aussi les paroles des sahaba et les paroles des tabi'in et il y en a des grands imams, des ulama, donc on appelle leurs paroles des athar. Hein. Et donc ils ont appelé les gens qui s'accrochent aux narrations Ahlul Athar, les gens de Al-Athar. Et ça réfère au même groupe, c'est-à-dire Ahlul Sunnati wal-Jama'a. Et parmi les appellations que les premières générations ont utilisées également, ils ont utilisé l'expression As-Salaf pour désigner les Sahaba. Donc les Tabi'in, quand ils parlaient des Sahaba, ils disaient nos Salaf, c'est-à-dire nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans la religion. Et c'est pour ça que nous aujourd'hui, on dit par exemple, un tel est un Salafi, parce qu'il se réfère à la aqida, la croyance et aux pratiques, et à la compréhension, ainsi que la méthodologie des pieux prédécesseurs. Donc, par affiliation, on utilise le ya al-nisba, comme on dit pour quelqu'un qui s'accroche à la sunna, qu'il est sunni, donc celui qui s'accroche au salaf et à leur compréhension et à leur méthodologie, on dit qu'il est salafi. Na'am. Et la même chose aussi parmi les exemples qu'ils ont utilisés, ils ont utilisé les expressions Ahlu al-Ta'ifatul Mansoura wal-Firqatul Najiyah par référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tazalu ta'ifatul min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wuhum ala dhalik. C'est-à-dire, il y aura toujours un groupe de ma umma qui s'accrochera à la vérité et qui sera victorieux sur la vérité. Jusqu'à ce que, il dit même ceux qui s'opposent à eux ou qui les abandonnent lâchement ne vont pas leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et ils seront toujours sur ça, sur cette voie. Donc il y aura toujours un groupe dans la umma qui sera victorieux, même si parmi les musulmans, beaucoup d'entre eux s'égarent du droit chemin, ou tombent dans l'innovation, ou tombent dans l'égarement, ou tombent dans les erreurs, mais il y aura malgré tout toujours un groupe des musulmans qui vont rester accrochés à la vérité, et c'est ce groupe-là, Ahlus Sunnati wal Jama'a. L'autre hadith qui est le hadith de Al-Firqatul Najiyah, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود والنصارى افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le hadith des 73 sectes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72, et cette umma se divisera en 73, elles seront toutes en enfer, excepté une. Et les sahabas ont dit: laquelle, ô messager d'Allah? Et il a dit: c'est celle qui suit ce que moi-même j'ai suivi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, ils font référence à ces hadiths-là. Donc, quand on regarde les noms de ces groupes, on voit que c'est toujours des références au Coran et à la Sunna et aux narrations. Tandis que lorsqu'on regarde les groupes de bid'a, eh bien, c'est toujours des références à des individus ou à des innovations. Comme par exemple, les Shia, ça fait référence à le groupe des Rafida, ou bien de d'autres sectes comme ça, ou bien les Mu'tazila, ou bien Al-Qadariya, ou bien Al-Murji'a. Ça fait référence à des bid'a et à des innovations. Et les ulama ont utilisé ces appellations-là pour distinguer entre les gens, pour être capable de savoir qui est sur la sunna et qui n'est pas sur la sunna. D'accord? Donc, tout ça, c'est des choses qui existent actuellement, et les ulama, ils font la différence entre ceux qui suivent la vérité et ceux qui suivent le faux. Par contre, si tous les musulmans se réunissaient tous sur la vérité et qu'ils se décidaient de tous abandonner les sectes et les groupes et les divisions, alors dans ce cas-là, on n'aurait plus besoin d'employer ces appellations-là et ces noms-là, et on pourrait tout simplement dire qu'on est tous des musulmans, sans rajouter rien d'autre après. Mais malheureusement, depuis que les innovateurs ont commencé à essayer de changer les choses dans l'islam, alors, les innovations sont apparues, et à cause de ça, on a utilisé ces différentes appellations pour diviser. Et une chose qu'il faut aussi se souvenir, c'est que la umma de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière umma. C'est la dernière parmi les ummas. Donc, il faut savoir que, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, que les juifs s'étaient divisés avant nous, en différentes sectes. Donc déjà parmi eux, il y avait des différences, des différents groupes et des différentes croyances et des différentes sectes. Les chrétiens sont arrivés, eux aussi se sont divisés entre eux, en différentes sectes. Donc qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que toutes ces différentes sectes-là, une fois que l'islam est venu, ils ont essayé de faire rentrer dans l'islam leurs différentes croyances et leurs différentes déviations et leurs différentes tendances, et d'essayer de venir interpréter le Coran et la Sunna selon leurs croyances et leurs déviations aussi, et leurs différentes sectes. C'est pour ça que chaque fois qu'un individu arrivait avec une nouvelle idéologie ou une nouvelle bid'a, une nouvelle innovation, les ulama, tout de suite, ils le stoppaient, ils le mettaient en garde contre lui, et ils l'avertissaient contre sa bid'a, et ils le réfutaient avec le Coran et la Sunna. Donc, des exemples de personnes comme Abdullah ibn Saba, Ghaylan al-Dimashqi, Jahm ibn Safwan, Ja'd ibn Dirham, Wasil ibn Atta, Ubaid, comment s'appelle l'autre, Amr ibn Ubaid, et beaucoup d'autres comme ça, qui sont apparus après, avec le temps, et qui ramenaient à chaque fois des idéologies bizarres, et ils étaient réfutés au fur et à mesure qu'ils essayaient de diviser les musulmans, de ramener de la division entre eux. Donc pour continuer par rapport à ce qu'on expliquait, le cheikh il dit « Wa nu'minu bi anna jami'a ar-rusul basharun makhluqun » C'est-à-dire nous croyons que tous les messagers sont des êtres humains et qu'ils sont créés. D'accord? Contrairement, par exemple, aux chrétiens qui, eux, par exemple, ils croient que Jésus, c'est Dieu, ou un fils de Dieu, ou des choses comme ça. Donc, le cheikh, il explique ça, il dit, « Yani, nu'minu bi'anna jami'a al-rasul bashar, yani, la malaika, wa makhlouqun, yani, la arbaban, la arbab, wa lawla rahmatullahi bina, lama arsala al-rasul. فلما قالوا لولا أنزل إليه ملك ماذا قال الله قال لو جعل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يعني هذه المشكلة لأنه لا يمكن أن يرسل ملكا إلى بشر فلو كان الذين في الأرض ملائكة لكان كما قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولكن الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر فالحكمة والرحمة تقتضي أن لا يرسل إليهم إلا بشر إذن فالأنبياء بشر لا ملائكة ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل إلى هؤلاء البشر أحد من الملائكة. Donc, le cheikh explique que nous croyons que tous les messagers sont des êtres humains, c'est-à-dire non pas des anges, et qu'ils sont créés, c'est-à-dire ils ne sont pas des seigneurs. Et il dit, si ce n'était que de la miséricorde d'Allah, Allah n'aurait pas envoyé des messagers. Mais lorsque les mouchriquins ont dit, mais pourquoi dans ce cas-là, Allah n'a pas envoyé un ange comme messager? Et qu'est-ce que Allah a répondu dans le Coran à ce sujet-là? Il dit dans le verset 9 dans Surat Al-An'am, et si on avait fait de ce messager un ange, nous lui aurions donné l'apparence d'un être humain. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne peuvent pas supporter la vue d'un ange réel. La vue d'un ange. Parce que l'ange, si les êtres humains voyaient la réalité, la réelle apparence des anges, ne serait pas capable de le supporter. Parce que les anges sont immenses et sont grands. Et les hommes auraient peur, peut-être, et ils ne pourraient pas accepter le message d'un ange. Si un ange vient pour enseigner la religion aux hommes, les êtres humains diraient, on ne peut pas être comme eux. Ils obéissent à Allah, ils sont parfaits, ils font tout ce que Allah ordonne, ils le font. Donc nous, on ne peut jamais être comme eux. Le fait que Allah nous a envoyé des messagers humains, ça fait en sorte qu'on est capable justement de les prendre comme exemple et comme modèle. Et on n'a pas d'excuse pour dire, mais eux ce sont des anges, on ne peut pas les suivre, on ne peut pas prendre leur exemple. Ensuite, il cite le cheikh un autre verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 95, surat al-Isra, dit au Muhammad, si les gens qui vivaient sur terre étaient des anges qui marchent tranquillement, eh bien, dans ce cas-là, on leur aurait envoyé du ciel des anges comme messagers. Mais étant donné que ceux qui marchent sur terre tranquillement, ce sont des êtres humains, alors la sagesse et la miséricorde impliquent que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur envoie que des êtres humains comme messagers et non pas des anges. Donc les prophètes sont des êtres humains et non des anges. Et il ne convient pas à la sagesse divine et à la miséricorde d'Allah d'envoyer aux êtres humains des messagers qui seraient des anges. Et il dit wa qawluhu makhluqun yani laysu khaliqin بل مربوبين لهم رب. Donc ce sont des créatures, ces messagers-là ne sont pas des créateurs, et ils ne sont pas des seigneurs non plus. On n'a pas le droit de les adorer. Et le cheikh il dit ensuite ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Il dit, ils n'ont aucune des caractéristiques de la divinité et de la seigneurie. Et Allah a dit à propos de Nuh alayhi salam, qui est le premier d'entre les messagers, et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Hein? Donc ça, c'est des preuves qu'ils n'ont pas de particularité divine. Ils n'ont pas de part de la seigneurie. Et le cheikh, il dit, قوله وليس لهم من خصائص الربوبية شيء فخصائص الربوبية التي لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء وإنما هي لله حتى إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت وأرشده إلى العبادة السليمة وهي ما شاء الله وحده ها؟ Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'a donné c'est-à-dire que les messagers ils n'ont aucune caractéristique de la divinité hein? Aucune part de la divinité. Et il n'y a personne qui détient quoi que ce soit des caractéristiques du Seigneur parmi les prophètes, ni autre que les prophètes non plus. Ces caractéristiques divines n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au messager « Ma sha'allahu wa shi'ta » c'est-à-dire « Ma sha'allahu wa shi'ta » c'est-à-dire « Ce que Allah a voulu et toi » Hein, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé pour avoir dit ça. Il lui a dit, est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah? Aja'altani lillahi niddan. Est-ce que tu veux me mettre comme un seigneur avec Allah, comme un égal avec Allah? Dis plutôt ce que Allah veut lui seul. Hein? Dis plutôt ce que Allah a voulu lui seul. Donc il l'a blâmé d'avoir dit ما شاء الله وشئت ce que Allah veut et toi pour éliminer hein, cette expression qui pourrait avoir justement donné l'impression que la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait à égalité avec la volonté d'Allah eh bien il lui a dit ne dis pas ما شاء الله وشئت mais dis plutôt ما شاء الله وحده c'est-à-dire ce que Allah veut lui seul. Et par rapport à l'exemple de la parole de Nuh alayhi salam que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, le cheikh il dit wa qawluhu qala Allah ta'ala an Nuh wa huwa awwaluhum wa la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu inni malak la aqulu lakum ya'ni qawmahu indi khaza'inullah أي خزائن الرزق والرحمة ليست عندي بل هي عند الله وحده وهو الذي يرزق ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب وإنما علمه عند الله وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقوله ولا أقول إني ملك لم يقل ولست ملك يعني أن هذا معلوم فكل يعرف أن نوحا بشر وليس ملكا ولكن يقول لا أقول يعني لا أدعي أني ملك وعلى هذا فالذين قالوا إن أحدا يدبر هذا الكون غير الله عز وجل قولهم كفر لأنه لا مدبر للأمر إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى le cheikh il dit ensuite que donc la parole de Nuh alayhi salam qui est le premier des messagers à l'humanité on a expliqué ça au dernier cours et il dit donc Nuh alayhi salam il dit à son peuple je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah et je ne vous dis pas non plus que je connais l'invisible le ghaib. Hein? Donc il dit je ne détiens pas les trésors de la subsistance de la miséricorde ça ne m'appartient pas ça appartient uniquement à Allah et il dit et je ne connais pas l'invisible le ghaib c'est seulement Allah qui le connaît Et Allah subhanahu wa ta'ala dit alimul ghaib, hein, c'est lui qui détient, qui connaît l'invisible. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, personne ne peut avoir de connaissance de l'invisible, hein, d'Allah, de la connaissance de l'invisible d'Allah, excepté illa man irtadahu, man irtada min rasul, excepté celui à qui Allah a, celui dont Allah a été satisfait parmi les messagers. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut révéler à ses messagers certaines informations au sujet du ghaib. Mais ça ne veut pas dire qu'il détienne la connaissance absolue ou complète de tout ce qui est caché ou de tout ce qui est dans l'avenir. Non, il détient la connaissance de certaines choses que Allah leur a révélées du ghaib, mais pas tout, hein. Et ensuite il dit, et Nuh alayhi salam dit wala aqulu inni malak, il dit et je ne dis pas je suis un ange. Et le cheikh il dit, il a pas dit je ne suis pas un ange, il a dit et je ne dis pas, hein, que je ne suis pas que je suis un ange, parce que tout le monde sait que c'est un être humain, mais il mentionne ça dans le sens de vouloir dire je ne prétends pas être un ange non plus, hein. C'est dans ce sens-là qu'il le dit. Et non pas parce que les gens avaient un doute que c'était un ange, mais c'est pour clarifier, hein, pour dire, je ne prétends pas être un ange non plus. Et il dit, tandis que ceux qui prétendent aujourd'hui que quelqu'un peut contrôler l'univers autre que Allah, eh bien ça c'est une parole de kufr. C'est une parole de kufr. Il n'y a personne qui gère ou qui contrôle l'univers excepté Allah. Et il dit, وقال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر الجواب فسيقولون الله وهذا هم وهم مشركون وكفار. الآن هناك أناس ينتسبون للإسلام ويقولون إن مدبر الكون هم القطب الفلاني من الصوفية أو الإمام الفلاني من الرافضة ويقولون هم المدبرون للكون وهذا القول كفر تنزه الله عنه تنزه عنه أهل الجاهلية وأسندوا تدبير الأمور إلى الله عز وجل. وهناك أيضا من يقول إن الأولياء أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء لأن الأنبياء من الولاية الذين يلون الله عز وجل والنبي مخبر بشيء من أمور الغيب والرسول خادم كما يعني ترسل خادمك إلى السوق ليشتري لك حاجة. وينشدون على هذا قولا وهو أكذب الأقوال يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. On est en train de lire ça dans le livre de Al-Furqan, Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan. Et ici, le Cheikh Ibn Uthaymin, il le mentionne encore ici aussi. Il dit, قاتلهم الله فقولهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول يعني ليس رفيعا جدا بل فويق للتصغير على وزن فعيل يعني للتصغير يعني فويق الرسول بالنسبة للولي انحطاط فهو دون الولي الله المستعان. فعلى زعمهم يكون الترتيب الولي أولا ثم النبي ثم الرسول ومع أنهم كاذبون في هذا. Donc on va expliquer ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 31 dans sourate Yunus, dit ô Muhammad, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, ou qui détient l'ouïe et la vue, ou qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant, et qui gère toute l'affaire et contrôle tout, hein, tout le commandement. Ils diront, c'est certes Allah. Donc cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser cette question à qui? Il ordonne au messager de poser cette question aux mushrikines de son époque. Et eux, ils répondent en disant, فَسَيَقُولُونَ Allah. Ils diront certes que c'est Allah qui a créé tout ça et qui contrôle tout ça. Malgré que ce sont des mouchriquins et des kuffars, il dit aujourd'hui, il y a des gens qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam et qui disent que celui qui contrôle l'univers, c'est le Qutb, le pôle, hein, parmi les soufis. Parce que dans la croyance des soufis, il y a certains individus parmi les, ceux qu'ils considèrent comme, étant des awliya, des saints, hein, qui ont un titre particulier qu'on appelle Al-Qutb. Hein? Non, parce que j'ai oublié mon téléphone aujourd'hui. Je ne pouvais pas lancer le lien, mais envoyer le lien. Barakallahu fik. Donc, ils disent, le Qutb, c'est lui qui gère l'univers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une il y a parmi les athées qui ne croient pas en Dieu ou qui renient l'existence de Dieu, et il y a d'autres personnes qui, parmi les kuffars, on les appelle des déistes. Et ceux qui sont référés comme étant ceux à qui on se réfère comme étant des déistes, historiquement, c'est les gens comme par exemple les philosophes de la philosophie des Lumières. Peut-être vous avez entendu parler de la philosophie des Lumières, hein? Voltaire, Diderot, tous ces gens-là en Europe. Et eux, les déistes, ils croient en l'existence d'un être suprême, d'un créateur, mais ils disent que lui, il n'a aucun attribut à part le fait de créer. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce créateur-là, pour eux? C'est comme s'il a créé l'univers et puis il l'a parti, comme une machine. Mais après, une fois qu'il a fini de créer, il ne fait plus rien d'autre. Hein? Naam. Donc, il ne croit pas en un Dieu qui a tout créé et qui gère tout, et qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers, et qui a envoyé des messagers avec des livres, hein, des prophètes avec des révélations, avec des lois à respecter pour nous montrer qu'est-ce qui est bon et pour nous mettre en garde contre ce qui est mauvais, et ainsi de suite. Donc c'est ça les déistes. Et les déistes, c'est des koufars en fait. Et eux, ils disent qu'ils croient en qu'est-ce qu'ils appellent la religion naturelle. Et donc ils se basent sur soi-disant les lois de la nature, puis des trucs comme ça. C'est de là que est sortie toutes les croyances ou les idées modernes de la société occidentale, et c'est des idées de kufr. Mais beaucoup de musulmans ils réalisent pas ça. Donc la théorie de l'évolution, le Big Bang, toutes ces autres idées là, ça découle de ça, si on veut, hein. Et il y a parmi les musulmans ou parmi les gens qui se disent musulmans, il y a des gens comme ça qui ont une croyance qui ressemble un peu à celle des déistes. Ils disent Dieu il a créé l'univers, mais celui qui s'en occupe et qui le contrôle, c'est les qutb, les awliya parmi les soufis. Donc si tu as besoin de quelque chose, demande pas à Allah, demande plutôt au qutb, parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, hein. Donc quand tu as un malheur, quand tu as un problème, quand tu es dans un danger ou dans la détresse, eh bien tu dois appeler au secours le qutb, hein, le sheikh, le wali. Et lui, il va courir à ton secours, il va venir te sauver. Et c'est pour ça que quand ils ont des malheurs, souvent ces gens-là, c'est comme ça qu'ils font. Ils appellent leur sheikh ou leur wali, hein, « Ya Foulan, Arifna, hein, Al-Madad. » Ils demandent l'aide et le support de leur chouyour parmi les awliya, soi-disant, ou parmi les soufia. Et puis, ils vont à leur tombe, ils font des pèlerinages, hein, ils demandent leur bénédiction, ils font des actes d'adoration pour se rapprocher d'eux. Tout ça, c'est la religion du shirk, d'accord? Et donc, il y a parmi les shias aussi, les rafidas, la même chose. Ils croient la même affaire que les soufis, mais par rapport à leurs imams. Et les rafidas, eux, ils ont 12 imams. Et ils croient, comme on l'avait expliqué dans d'autres cours, que leurs imams, ces 12 imams, sont éternellement omniscients, éternellement tout-puissants, qu'avant d'être dans ce monde, ils étaient des lumières autour du trône d'Allah, et que ils sont parfaits, et qu'ils, en tout cas, toutes sortes de croyances. Ils disent que tous les atomes de l'univers sont soumis à leur autorité et qu'ils se prosternent devant leur personne, et ainsi de suite. Donc c'est ça leur croyance à ces gens-là. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est des croyances qui sont basées sur le shirk et le kufr. Et donc le shirk, il dit, ça c'est des croyances de mécréance, c'est des choses de mécréance, c'est des croyances de mécréance, c'est des croyances de kufr. Et il dit que même les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mouchriquins arabes de Quraysh et autres, même eux, ils n'avaient pas ces croyances-là. Hein? C'est-à-dire que même eux, ils savaient que c'est Allah qui contrôle tout dans l'univers et que c'est lui le maître. D'accord? Et donc, il dit que même chez les chrétiens, il y a des croyances comme ça aussi. J'ai entendu parmi les groupes des chrétiens, il y en a qui disent que ils disent que c'est Jésus qui est le maître. Ils disent comme il y a Dieu le Père qui est le créateur, puis après Jésus qui est comme si le Dieu qui gère l'univers, qui gère le monde. Hein. Ils disent que il y en a certains aussi parmi les chrétiens comme les Témoins de Jéhovah qui disent que Jésus c'est un ange à la base et que c'est lui qui contrôle le monde ou des trucs comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de croyances comme ça, des gens qui croient qu'il y a d'autres êtres qui contrôlent l'univers en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk dans la rububiyya. Hein? Et même les mouchriquins de l'époque du prophète, ils ne croyaient pas en cette forme de shirk-là dans la rububiyya. Ils faisaient le shirk dans l'adoration, dans al-uluhiyya, mais pas dans la rububiyya. Donc leur shirk est plus grave encore. Donc c'est pour dire que des gens aujourd'hui qui se disent musulmans, ils sont plus égarés que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit, et il y a également parmi les soufis des gens qui disent que les awliyas sont meilleurs que les messagers et meilleurs que les prophètes, et que les awliyas, donc, comme on a expliqué avec le livre de Al-Furqan, Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, certains d'entre eux disent que les messagers et les prophètes sont finalement moins importants que les Awliya, c'est-à-dire les saints et les rapprochés d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les prophètes, ils prennent par l'intermédiaire de l'ange, tandis que les Awliya, eux, ils prennent directement de là où les anges vont prendre. Donc ils n'ont pas besoin d'intermédiaires, ils n'ont pas besoin des anges, ils vont directement prendre d'Allah. Donc ils disent qu'ils sont meilleurs que les messagers. Et ils comparent les messagers à des servants hein, par rapport à Allah, tandis que eux, ils s'élèvent au-dessus de ça. Et donc il dit, le cheikh, que ça c'est parmi les paroles les plus mensongères et les plus fausses. Ils disent, comme Ibn Arabi, une des têtes parmi les hérétiques de cette catégorie de soufis philosophes, qui dit dans un de ses poèmes que le statut de la prophétie est dans un endroit qui est un peu au-dessus du messager, hein, qui est un petit peu en dessous du messager. Qui est un peu au-dessus du messager et en dessous de celui du wali. Donc, ça veut dire que pour eux, au-dessus de tout, c'est le wali. Puis, en dessous de ça, il y a le prophète. Donc, eux, ils mettent le prophète au-dessus du messager. Puis, en dessous de ça, ils mettent le messager. Et donc, il n'y a pas de doute que ça, c'est du kufr et de l'égarement. Donc, le cheikh, il dit, « Fa'ala hadha » il dit donc qu'ils ont menti à ce sujet-là. Il dit وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ الْوَلِي مِنَ الْوِلَايَةِ لَقُلْنَا حَتَّى الْكُفَّارُ أَوْلِيَا كَمَا قَالَ تَعَالَى حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ فَجَعَلَهُ مَوْلًا فنقول يعني أولياء الله. وقد وصفهم الله تعالى بوصف أدق أدق ما يكون من الأوصاف، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فهؤلاء هم أولياء الله. Donc le cheikh il explique en fait que les vrais awliya d'Allah ce sont al-muttaqun, ceux qui ont la piété et ceux qui se préservent du châtiment d'Allah en faisant les actes d'obéissance et en s'écartant des péchés. Et c'est ça la définition que Allah subhanahu wa ta'ala a donné d'eux dans le Coran, le verset 62 et 63 dans sourate Yunus. Il dit: ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et dit sinon si on prenait la définition des soufis, ça voudrait dire que dans ce cas-là même les kuffar eux-mêmes sont des awliya aussi dans ce cas-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: thumma ruddu ila Allahi mawlahum al-haq, en parlant des kuffar, c'est-à-dire puis ils seront renvoyés à Allah leur vrai maître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit faja'alahu mawlan, parce que ils sont des mawla, mais le vrai mawla c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux la vraie description, la description la plus précise avec les caractéristiques des awliya, qui ils sont, c'est dans le verset 62 et 63 dans sourate Yunus, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il les décrit en disant: ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les awliya d'Allah, ils n'auront pas de crainte, ils n'auront pas peur au jour de la résurrection. ولا هم يحزنون, et ils vont pas être tristes. Et il décrit qui ils sont en disant: الذين, c'est-à-dire ceux, آمنوا, ceux qui ont eu la foi, qui ont cru, qui ont eu al-iman, وكانوا يتقون, et ils ont eu التقوى. Ils avaient at-taqwa, c'est-à-dire ils se préservaient d'Allah et de son châtiment. Et la seule protection qu'on peut avoir contre Allah, c'est le fait de faire ce qu'il ordonne et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. C'est ça qui peut uniquement préserver quelqu'un contre le châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Ensuite, il dit: wa amara Allah Muhammadan صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Donc, et également au dernier des messagers qui est Muhammad صلى الله عليه وسلم, Allah a ordonné de dire la même chose que Nuh عليه السلام, c'est-à-dire: et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah ni que je connais le ghaib, et je ne vous dis pas que je suis un ange, ou je ne prétends pas être un ange. Donc on voit que tous les messagers que Allah a envoyés ont tous dit la même chose. Et le cheikh il explique ça en disant: hadhihi al-jumla hi al-jumla allati qalaha Nuh alayhi salam la a'lamu wa la a'lamu al-ghaib kadhalika wa la aqulu lakum inni malak. Pourtant il y a des gens parmi les musulmans qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait le ghaib, et ils pensent aussi que les awliya ils connaissent le ghaib, parmi les hommes pieux ils disent ils connaissent le ghaib, même que certains ont dit que s'il ne connaît pas le ghaib il n'est pas un wali, yani subhanallah, alors que c'est le contraire, personne ne peut connaître le ghaib excepté Allah, et jamais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prétendu d'être un wali, de connaître le ghaib. Donc c'était un wali parce que tous les prophètes sont des awliya. Tous les prophètes sont des awliya. Mais il n'a jamais prétendu d'avoir la connaissance de l'invisible, de l'inconnu ou de l'avenir. Et le cheikh il dit: كَذَلِكَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٍ نَفْسُ الشَّيْءِ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَهَا وَلَا شَكَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أبعد الناس لله أعبد الناس عفوا ولا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس Il y a une différence entre Ab'ad et A'bad. Ab'ad, ça veut dire plus loin. Et A'bad, ça veut dire plus adorateur. Donc, des fois, tu inverses deux lettres et puis ça y est. Donc, il dit, le Cheikh, qu'il n'y a pas de doute que le messager est la personne qui adore le plus Allah. Et non pas plus éloigné. Comme je me suis trompé, j'ai dit Ab'ad. Non, c'est A'bad. Donc, c'est la personne qui adore le plus Allah. وَأَوْفَاهُمْ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا. Donc, c'est normal, puisque c'est la personne la plus fidèle, et la plus honnête, et la plus juste. Donc, c'est obligatoire qu'il va dire ce genre de paroles. Parce que le messager, il est honnête. Et le but du messager, c'est pas de profiter des gens. Comme les charlatans aujourd'hui qui prétendent connaître le raid, qui essaient de manipuler les gens et de leur faire croire qu'ils sont des anges, ou bien qu'ils connaissent le raid, ou bien qu'ils ont les trésors d'Allah. Il y a des gens aujourd'hui parmi les marabouts puis d'autres, ils essaient de contrôler les gens et de les manipuler. Le messager, il cherchait pas ça. Au contraire, il veut guider les hommes. Il veut les orienter vers Allah. Il ne veut pas rien profiter d'eux. Il ne leur demande rien. Il dit « إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل. » Donc les messagers, ce n'est pas comme les gourous qui veulent juste avoir le plus grand nombre de fidèles qui les suivent juste pour les manipuler et profiter d'eux. Non. Au contraire, ils ne demandent rien à personne. Ils les appellent pour les sauver du châtiment d'Allah. C'est tout. Et il dit donc, la parole des messagers, elle est toute en accord les uns avec les autres, du premier d'entre eux jusqu'au dernier d'entre eux, dans ces trois phrases. Que, annahum la ya'lamuna al-ghayb, ils ne connaissent pas l'invisible. Wa laysa indahum khaza'inullah, ils ne détiennent pas les trésors d'Allah. وَلَيْسُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, ils ne font pas partie ou ils ne prétendent pas d'être parmi les messagers. وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَقُولُ يَعْنِي مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. أَنْ يَقُولُ, c'est-à-dire que disent, c'est-à-dire le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, il a dit la même chose que Nuh عليه السلام. Ensuite il dit وَأَنْ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنْ يَقُولُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Donc également Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam de dire et je ne détiens pour moi-même ni le pouvoir de me profiter ou de faire un tort excepté ce que Allah a voulu. Et il dit également, comme c'est mentionné dans Sourate Al-Jinn, je ne détiens pas le pouvoir de vous faire du tort ou de vous guider. Dit au Muhammad, je ne peux pas لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٍ, personne ne peut me protéger contre Allah. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا, et je ne trouverai pas en dehors de lui un refuge. Donc ça, c'est le messager d'Allah qui dit, Allah lui ordonne de dire ça. Pourquoi? Pour faire comprendre aux gens que c'est pas lui qu'on doit adorer et que lui il détient rien pour nous faire du bien ou nous faire du tort. C'est seulement Allah qui peut nous profiter ou nous nuire. Et c'est lui qui détient le pouvoir de nous donner quoi que ce soit si on a besoin de quelque chose. Donc si on a besoin de quoi que ce soit, c'est pas vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit se tourner, mais c'est plutôt vers Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc il nous enseigne le tawhid d'Allah, qu'on doit mettre notre confiance uniquement en Allah et non pas en une personne ou en une créature. Et le Cheikh, il explique ça par la suite en disant وقوله لا أملك لنفسي يعني لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها illa ma sha Allah. C'est-à-dire, je ne peux pas me profiter à moi-même en quoi que ce soit, ni à me faire du tort à moi-même, excepté ce que Allah a voulu. Wa illa huna al-zahir annaha istithna'un munqati', yani ولكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فسيقع فيقع وليس المعنى لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك فالظاهر أنه منقطع ويجوز أن يكون متصلا ولكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فماذا لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره قلنا هذا أبعد فمن لا يملك أن ينفع نفسه أو يضرها فعدم نفع غيره وضرره من باب أولى لا شك. C'est-à-dire que le cheikh il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il ne peut même pas se faire un bien à lui-même ou se, yani, se protéger d'un mal excepté ce que Allah a voulu, hein. Donc, si c'est le cas pour lui-même, il ne peut même pas se profiter ou se nuire excepté ce que Allah a voulu, encore moins pour quelqu'un d'autre. Hein? Celui qui ne peut pas se faire un bien à lui-même, comment il pourrait faire un bien à quelqu'un d'autre? Hein? Tout c'est par la permission d'Allah. Donc, tu dois retourner à Allah et non pas à un messager ou à une créature quelconque. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite de ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.